Et quand l'autre s'en va, tous les saxophones pleurent. Bon, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest al vostre espai. Això és la bona música de Hola La Music, el vostre programa de música en francès, amb Rafael Corbí. La bonne musique nous fait oublier nos amours. Oh. La bonne musique nous fait crier. Hola La Music, amb la seva edició número 108, que ens arriba ara mateix a tota la nostra audiència. Avui tindrem un programa amb música amb artistes diversos, un programa aleatori, un programa en el qual tindrem diferents convidats amb música diversa de totes les generacions i de tots els estils musicals. I no ens fa gens de por barrejar conceptes, barrejar músiques. El que és important amb el nostre programa és que la música sigui en francès. Le Vagonet amb Michel Genas obrirà el nostre programa. En el dia d'avui serà la primera cançó que escoltarem. Va ser un tema que va destacar l'any 1979. C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ajoutais le prix du papier, ta nicotine, une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire, une cartouche qui se fume, une lancille aux plumes pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues, marqués par la bague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Timbre bitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau des taches, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible pour cet impossible, missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse. Vague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets, qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargé rempli. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets. Les roues des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets. Així, escoltàvem aquest personatge que ens acompanyava amb el programa del dia d'avui, el primer dels convidats, amb el qual, amb aquest programa, us volem descobrir més música i més artistes. Michel Genas va néixer a Drancy, França, el 1947, compositor, destacat, cantant, i també va ser actor.

ce grand homme cachait un vieux con. D'une météorite à peine un kilomètre cube de pyrite pour que tout se mêle à tout, comme ce parfum de la boulangerie qui traverse l'avenue avec les cris des passants qui s'énervent, les voilà qui accourent vers ce pauvre homme étendu dans la rue. À la sortie de métro, une balle au cœur et quatre au cul, son sang coulait dans le caniveau. Ce grand homme cachait un vieux con. Aquí hem escoltat en primer terme, com us comentàvem, Alexandre Vialt, i després hem fet el mateix amb una cançó que hem triat de Daniel Lavó, amb la Vicon. És un cantant que també ens acompanyava amb la seva música, un cantant franco-canadenc que va néixer no al Quebec, sinó a l'estat veí de Manitoba, d'Umbrea, i que va aprendre de ben jove ja a interpretar el piano gràcies a la seva mare. Ell va guanyar una competició de cantautors a la societat Radio Canadà, és un programa de televisió que es fa en francès al Canadà, i això li va donar doncs certa popularitat. Ell ens ha conduït aquesta cançó que acabàveu d'escoltar. Proper de protagonista, i estem escoltant molt homes, hauré de canviar una mica a partir de la següent cançó, Léo Ferrer amb La Folie, aquest gran intèrpret nascut el 1916, que va morir el 1993, però que a més de cantant era compositor, era poeta, era novel·lista, també era director d'orquestra, i que va néixer, com tants d'altres, en un altre país, tot i que aquest es pot mig perdonar, perquè era natural de Mònaco. La Folie amb Léo Ferrer. La chaise de Van Gogh où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête pas. Je vois la folie. Je fais ses commissions, couche dans son lit. Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe, c'est à ce moment-là que je perds la folie et que je reste seul avec mes yeux de fou. Aquesta cançó, la cantant, també nascuda el 1984, i una de les revelacions de la música francesa l'any 2018, que va guanyar un dels premis importants d'aquell any amb els premis aquells prínceps de la música, importants al país. Anem a escoltar ara, gràcies a un dels nostres oients, en Marcos, que ens ha recordat una veu escocesa, de la qual jo recordava haver tingut el seu primer àlbum, que va publicar el 2010 a través de les edicions musicals que es feien a Cans, aquelles trobades del Midem. Una cantant escocesa, li diuen la chanson escocesa, perquè ella canta bàsicament i col·labora amb multitud d'artistes, amb molts. I també va estar apartada del món de la música un temps, i el 2019 retornava amb un àlbum que es diu The Departure. Bàsicament canta en anglès, però amb els seus àlbums sol incloure sempre una, a vegades dues cançons en francès, a part d'amb el seu canal de YouTube, cantar-ne d'altres. Precisament d'aquell 2010, de l'any anterior, el 2009, va publicar un senzill, amb la cara, una cançó en anglès, amb la cara B, una cançó que compartia amb M&M, les grans vacances. Vull recordar, tot agraint-li el fet de que, gràcies als comentaris, que m'encantaria que tothom pogués enviar amb aquest programa, perquè així també refresquem la nostra memòria i recordem artistes o peces antigues on descobrim de nous, i això us ho agraeixo molt. Hi ha gent que col·labora amb aquest programa, com la Norma, com ho fa Marcos, però necessitem molta més gent. 644 40 83 24, aquest és el nostre telèfon, el podeu afegir amb el WhatsApp o amb el Telegram i passar-nos aquesta informació. 644 40 83 24. Més tard el tornarem a recordar. Bé, escoltem a la Siobhan Wilson i aquesta cançó. Partir d'Elvis, voir le monde me remplirait toutes ces... dans ta veine, tu le sais. Y a le sommeil qui va descendre, et puis sous le soleil qui naît, nous ne pourrons plus nous comprendre. Je ne peux plus rien te donner, et tu ne peux plus rien me prendre. Monsieur dealer, je te connais, j'ai bien envie de descendre. Petite sœur, poignet fragile, petite voix cassée, absente, de grands yeux fixés sur l'exil. Petite voix cassée, absente. Dans cette chambre un peu baroque, un peu sordide et un peu sale, entre les Indes et le Maroc, dans ce clair-obscur de Vestale, tu restes là me regardant, la main tremblante sous la toile. J'ai vu la mort à 17 ans dans cette lumière verticale. Il y avait un goût amer dans cette pièce froide et close, pas de jetée et pas de mer, pas d'aurore tirant vers le rose. Finira tranquille, loin des hôpitaux, des cliniques, protégé par les imbéciles, par le système et par les flics, dans un décor très décadent, avec ton fric, avec ta peine, avec ta mort, avec ton sang, ta solitude, avec tes veines. Petite sœur, poignet fragile, petite voix cassée, absente, de grands yeux fixés sur l'exil. Ce matin-là, dans l'ambulance, fantàstic aquest en directe. Si Owen Wilson abans ens acompanyava com a acompanyants de M&M, la formació que ens portava el 2009 aquest Les Grandes Vacances que havíem escoltat. N'anirem escoltant molt d'aquesta joveneta que portem, igual amb el programa d'avui alguna cosa més. Ara era el tema de Bernard Lavillier amb Versus pour un shooter, que ens acompanyava també aquest cantant anticonformista, un cantant de rock dels anys 80. Seguim amb el nostre espai. Què tal si escoltem aquest tema de Aka Jung? Pourquoi je voudrais vivre sans aujourd'hui tu es la seule que j'aime. Sans toi, la vie ne vaudrait pas la peine. Dis-moi, chérie, que tu seras la mienne. Dis-moi, chérie, que tu seras la mienne. Dis-moi, chérie, que tu seras la mienne. Yeah, yeah, yeah. La música és protagonista amb el nostre espai i avui l'anem escoltant a Olala Music amb diferents protagonistes, com en aquests temes més de la banda de Louisiana amb Bucky June, aquests que junts que van ser, recordem, els antics habitants de l'Acàdia francesa, l'Acàdia de Amèrica del Nord, després anomenada Nova Escòcia, que quan van ser expulsats d'allà, molts van anar cap a la Louisiana. Aquesta similitud de nom entre Cajun i Acadians, doncs és el que els va portar amb aquest nom. Mònica és una cançó que ens porta el cantant d'Adju. Mònica, Mònica, oh, Mònica, 25 ans que tu n'es plus là, mais je n'ai pas pu refaire ma vie. 25 ans que je survis sans toi, avec un cœur à moitié vide. Et je t'en prie, pardonne-moi d'être triste sans toi. Si tu m'as dit 100 fois de garder le sourire chaque fois. Je prends soin de tout ce qui t'est cher, à part moi tout le monde a su se relever. Je prends au sérieux mon rôle de père, mais sans mère, difficile de les élever. Je me disais doucement, mais sûrement, je finirai par l'accepter. Doucement, mais sûrement, mais j'ai toujours pas accepté. Monica, ma Monica, je l'ai pas oublié. Nos enfants sont hors de danger, comme tu me l'as demandé. Monica, ma Monica, je t'ai pas oublié. C'est moi qui suis toujours en vie. 25 ans que j'espère te revoir, à chaque fois que je me réveille la nuit. Et je deviens fou parfois quand je pense à notre histoire. Y'aura plus de nous chaque fois que j'y pense, tout devient noir. Je ne crois pas retrouver sur cette terre un amour plus fort que ce que tu m'as donné. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Tout ce que je veux maintenant c'est te retrouver. Donc me dis doucement mais sûrement, on sera de nouveau réunis. Doucement mais sûrement, mais j'ai toujours celle dans mon lit. J'ai pas oublié. Nos enfants sont hors de danger, comme tu me l'as demandé. Monica, ma Monica, je t'ai pas oublié. J'ai même pas envie d'ici, comme tu me l'as demandé. Thank you. elle avait de ses yeux un vrai chat abyssin, et ses seins deux sphères, entre lesquelles j'abandonnais 2 mois de salaire pour y rouler mon pauvre joint. Sexe cyclopéen, j'enfonçais mon pieu tel l'Ulysse de mer. Je l'avais raide, plutôt amère. C'est moi, grand Dieu, qui n'y voyais plus rien. Torride de sa croupe d'airain, on pouvait voir éclore des renoncules par derrière et par devant un conifère. On rappelait un air jamaïcain. Un programa aleatori, un programa de cançons diverses, un programa que avui se'ns acosta amb la música de Dadju, amb la Mònica en primer lloc i després en Serge Gainsbourg, que l'acabem d'escoltar també amb una de les seves cançons. L'Eden Segarra també ens acompanyarà amb el programa d'avui, una altra de les excel·lents artistes que ens arriba en aquest cas de pare italià, de mare d'Armènia, una artista destacada que va tenir el seu primer fill a París i que després de temps difícils va aconseguir trobar un bon productor, un gran productor que li va portar endavant la seva carrera artística. Des del 1996, aquesta excepcional artista que ja més d'una vegada també està present en el nostre espai. Plus de parler que de battre des ailes dans une tempête d'idées, un ouragan de querelles. Je t'ai regardé dans la glace, j'ai vu ton sourire, le sourire de quelqu'un qui passe, peut-être même bien pire. Et j'ai senti la solitude, l'amour qui s'achève. Qui avait le cœur au sud et le cœur au bord des lèvres. Mais le chemin de la mer est un chemin de ronde, où la vie est peut-être éphémère, mais la paix tellement plus profonde. J'ai pris des certitudes sous d'autres latitudes, et je reviens plus fort que jamais auprès de ceux que j'aimais. Il y a un temps pour chaque sur ton lit de lointains coquillages que le temps a fait poli bien avant notre naufrage. Et j'ai lu dans ton regard toutes les pages à écrire que les bateaux de la mémoire étaient prêts à repartir. Mais le chemin de la mer est un chemin de ronde où la vie est peut-être éphémère, mais la paix tellement plus profonde. J'ai rêvé de campagne, de famille en Bretagne, et je reviens plus fort que jamais auprès de ceux que j'aimais. Mais le chemin de la mer est un chemin. Rafael Corbí. Maintenant je sais, maintenant je sais, je ne veux pas tout perdre. Tu es mon repère, c'est mon. Découlé de toi, tu me disais que rien ne pourrait nous détourner. Qu'en avançant main dans la main, on serait beaucoup plus fort qu'hier. Tu ne dis plus rien, mais je serai. Maintenant je sais. Tu me l'avais promis, tu me l'avais promis, tu me l'avais promis. Maintenant tout est fini, maintenant tout est fini, maintenant tout est fini. As-tu de la rancœur, as-tu de la rancœur, as-tu de la rancœur? Il me reste que la douleur, du moins la couleur de la douleur. Et on dit qu'avec le temps tout s'en va, et dans ma tête tout s'emboîte. Avec le temps tout s'en va. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Je ne veux pas tout perdre. Tu es mon repère, c'est mon. Découlé de toi, tu me disais que rien ne pourrait nous détourner. Qu'en avançant main dans la main, on serait beaucoup plus fort qu'hier. Tu ne dis plus rien, mais je serai. Maintenant je sais. Pourtant je t'ai suivi, pourtant je t'ai suivi, pourtant je t'ai suivi. Alors que tu jouais, alors que tu jouais, alors que tu jouais. J'ai fait ce que tu voulais, j'ai fait ce que tu voulais, j'ai fait ce que tu voulais. Oui, j'ai fait tout ce que tu voulais, mais tes promesses se sont envolées. Et pendant tout ce temps t'as fait semblant, donc ça veut dire que tu seras mieux sans moi. Tout ce temps t'as fait semblant. Maintenant je sais. J'ai tout laissé dans le but de te plaire, mais tu es resté de marbre une pierre. J'ai même pensé à me trancher les

Artistes més coneguts, d'altres menys, com el que ens acompanyarà per tancar la paradeta amb el programa d'avui. Personatge que hem trobat a través d'internet, a través d'una cançó del 2019, Souvenir Nul Amour, i que ens porta la música de David Magden, així s'anomena ell, i esperem que us agradi per cloure el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La propera ocasió, hola la music amb nous protagonistes. Fins a propera. Salut Marie, tu es de pour essayer de nous sauver.